tirail du paramilitaire quand on voit la gardère dans les jupes de sa mère. Ça sent le sapin dans la boîte à papa. Même la secrétaire n'a plus les fesses de l'emploi. Donne-moi du toupet, fauché ou pas. Laisse-moi becter à leur place leur chou gras. Tout le monde est OP à s'en lécher les doigts. Cuisine chaque député dans la casserole qui sous-doit. Les enfants de la patrie ne vont jamais pas arriver dans le flot de leur connerie. L'histoire ne fait que trépasser. Selon les points de vue, l'histoire varie. La vie, ça peut bien rapporter. Les chefs d'État, je ne t'en prends rien. Ne sont que des vulgaires pantins. Enfant putain, ou fils de bonne famille. Un beau diplôme dans la poche, en quelques coups de fil. Puis quelques coups de mille. Plus tard, une belle école se profile. Sac à nez d'études, option cocaïne, alcool et fille. Et le bras long, papa, comme bébé, moi quand il vrille. Il nomme ses fils à la tête de son entreprise. Quand il prend la quille, quand l'actionnaire de plus de billes, dans son business, il délocalise. Mais qui nous en rêve de papa se grise. Est-ce qu'il vaut mieux que toi, avocat, médecin industriel ou star de cinéma pour ne citer que ça? Le gain, son appât, la fin nous apprend. Leur argent, nos manques de moyens, ils nous niquent. Attends les chapeaux bas comme si de la peste de Camus. Je ne tenais que les rats. Monte dans ta chambre avec mon pied au cul. Garde ton point de vue pour tes petites copines. Toujours la même comptine pour les mêmes promus. Toujours les mêmes combines quand le business s'englue. Un air de consanguin sur son 31. Sans hémoglobine, le gain est le seul lien. Dis-moi c'est qui le parrain de ta progéniture. Merde c'est pas dur, attends je devine. Les petits plats dans les grands, le petit fils dans les rangs. Le réseau de l'armement lui ira comme un gant. Comment ça je me méprends, je suis encore arrogant. C'est pas des noces d'argent, c'est juste un arrangement. Viens pas du même monde ici, personne ne t'envie. Ma famille n'a pas de yacht, mon amour n'a pas de prix. Mon intérêt pour eux n'est pas celui des milliardaires de l'industrie. Le monde se divise entre les gangsters de deux sortes. Starco, Lévi-Strauss, Comte de Falcon. Je te dis c'est dead, y'a même des décolletés à la petite école. L'amour s'est décoté comme un vieux cangol. Veulent tous du bif, des tasses, du vice. Les bonnes familles, la fleur de lys. T'écoutes ma vie sur plein de disques. Ouais, suis ce genre de renoi qui ne fait pas l'Obamania. Et ça paraît bizarre, on me dit que je suis parano. Moi je parle à l'homme, car la violence commence juste par un mot. Il joue avec ta vie, s'amuse sur ton compte. C'est pour doubler la mise, même sur le prix du ton. C'est nous contre eux depuis l'enfance, est-ce que t'entends? Les mots résonnent, c'est la vengeance et maintenant. Nos vies en jeu comme à la bourse, les temps changent. C'est la merde et les bénéfices s'engrangent.